Oh my love, oh my love, I can test you, my love. Tell me what have I done? Like it is, so I come to chase you. I will chase you. Far away, I can feel it today. I need healing, my love. Appetite running fast, following my gut, turning up every run. You're disappearing, my love. I need larger than this. Let's fill me up. Good tidings I bring to you and your sins. I'll forgive. Come to me, like it in, so I can digest you. I will kiss you. My appetite and the hole, touch you with it now. I will kiss you. Mon amour, je te trouve pas mon amour. Tu m'as été allé. Mon amour, je te sens pas mon amour. Dis-moi ce que je fais. Bon, c'est toi. Ah, et je vais te parler. Alors tu sais. T'es si loin, je t'occupe pas du tout. Faut me guérir à nous. Sans de plus une plus fin. J'ai si mon star. Ça me fait un ouvert. Tu te fasses mon amour. Tu t'es plus qu'une ombre. Oh, reviens-moi. Cette bonne nuvée. Si plus tu peux c'est. Je te pardonne. J'en veux moi, pensez-toi, et se fait te valer, à tes yeux. Mon appétit s'enfant, laisse-moi te donner, à tes yeux. Mon amour.